Salut les amis, un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sébastien du collectif Drop the LOL. Bonsoir. Donc tu avais une petite anecdote à nous raconter ? Voilà, alors ça concerne pas moi directement, mais c'était un spectacle où j'étais, enfin une soirée où j'étais. Donc pour resituer l'histoire, on se trouve à Royan, donc petite ville dans le 17. Et on est une soirée humoriste, on est 5 à passer. Et celui qui présente la soirée, c'est Ronan Le Kennec. Et à cette soirée, il devait y avoir un imitateur qui ne s'est pas pointé. Du coup, sur l'affiche, il y avait toujours écrit « humour et imitation », sauf qu'on n'avait pas d'imitateur. Donc là, 5 minutes avant que Ronan monte sur scène pour présenter la soirée, je lui dis « bah écoute, au pire, tu fais un petit quiz, tu imites une personne lambda et tu fais deviner aux gens. » Tu sais, par exemple, tu fais « voilà votre monnaie, monsieur !» Tu sais, avec une voix de merde comme ça, et tu demandes au public « qui c'est ?» Et puis après, tu finis ta vanne, tu dis « bah c'est la boulangère. » Bon, là, normalement, soit les gens rigolent, soit tu prends un bide, mais voilà, tu peux faire ta vanne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il monte sur scène, il commence à présenter la soirée, hein, tout se passe bien, puis il fait la vanne. Voilà votre monnaie, monsieur. Donc, le public, bien sûr, ne réagit pas, et donc, il finit sa vanne en disant, c'est la boulangère du coin. Et une minute après cette phrase, il y a une dame dans le public qui se lève et qui se barre de la salle. Et moi, j'étais juste à côté du bar, à côté du responsable. Et en fait, il me glisse à l'oreille que la personne qui vient de partir, c'était la boulangère du coin. Et elle l'a mal pris. Et elle l'a mal pris, elle n'est pas sortie avec le sourire. Voilà, c'était un grand moment. Moi, j'ai beaucoup ri juste après. Mais j'étais le seul, puisque je savais... Mais oui, t'as envoyé Ronan au... Voilà, c'est ça. Et c'est après qu'on lui a dit, justement, tu sais que t'as fait fuir la boulangère du coin. Donc il était entre rigolo et gêné. D'accord, ok, pas de soucis. Donc on peut te retrouver avec le collectif Drop the LOL sur YouTube. Sur YouTube, Drop the LOL, voilà, on a une chaîne YouTube. Et toi-même, tu as peut-être une page Facebook ou un truc sur lequel on peut te retrouver ? Alors, il y a juste ma page perso, Sébastien Espanol, et j'ai pas encore de page, entre guillemets, artiste. Puisque je me sers de Drop the LOL pour communiquer en fait pour le moment. Ok, très bien. Le temps d'avoir. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez toujours sur les réseaux sociaux, donc Sofiane Humoriste sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour ceux qui sont sur iTunes. Abonnez-vous, donc c'est sur toutes les applications de podcast sur iTunes. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.